La mer par Guy de Maupassant. Marseille palpite sous le gai soleil d'un jour d'été. Elle semble rire avec ses grands cafés pavoisés, ses chevaux coiffés d'un chapeau de paille comme pour une mascarade, ses gens affairés et bruyants. Elle semble grise avec son accent qui chante par les rues, son accent que tout le monde fait sonner comme par défi. Ailleurs, un Marseillais amuse et paraît une sorte d'étranger écorchant le français. À Marseille, tous les Marseillais réunis donnent à l'accent une exagération qui prend les allures d'une farce. Tout le monde parlait comme ça. C'est trop, tronc de l'air. Marseille, au soleil, transpire, comme une belle fille qui manquerait de soin. Car elle sent l'ail à la gueuse et mille choses encore. Elle sent les innombrables nourritures que grignotent les nègres, les turcs, les grecs, les italiens, les maltais, les espagnols, les anglais, les corses, et les marseillais aussi, pécaires, couchés, assis, roulés, vautrés sur les quais. Dans le bassin de la Joliette, les lourds paquebots, le nez tourné vers l'entrée du port, chauffent, couverts d'hommes qui les emplissent de paquets et de marchandises. L'un d'eux, l'Abdelkader, se met tout à coup à pousser des mugissements, car le sifflet n'existe plus. Il est remplacé par une sorte de cri de bête, une voix formidable qui sort du ventre fumant du monstre. Le vaste navire quitte son point d'attache, passe doucement au milieu de ses frères encore immobiles, sort du port, et brusquement, le capitaine ayant jeté par son porte-voix qui descend dans les profondeurs du bateau le commandement en route, il s'élance pris d'une ardeur, ouvre la mer, laisse derrière lui un long sillage pendant que fuient les côtes et que Marseille s'enfonce à l'horizon. C'est l'heure du dîner à bord. Peu de monde. On ne se rend guère en Afrique en juillet. Au bout de la table, un colonel, un ingénieur, un médecin, deux bourgeois d'Alger avec leurs femmes. On parle du pays où l'on va, de l'administration qu'il lui faut. Le colonel réclame énergiquement un gouvernement militaire, parle tactique dans le désert et déclare que le télégraphe est inutile et même dangereux pour les armées. Cet officier supérieur a dû éprouver quelques désagréments de guerre par la faute du télégraphe. L'ingénieur voudrait confier la colonie à un inspecteur général des ponts et chaussées qui ferait des canaux, des barrages, des routes et mille autres choses. Le capitaine du bâtiment laisse entendre, avec esprit, qu'un marin ferait bien mieux l'affaire, l'Algérie n'étant abordable que par mer. Les deux bourgeois signalent les fautes grossières du gouverneur, et chacun rit, s'étonnant qu'on puisse être aussi maladroit. Puis on remonte sur le pont, rien que la mer calme, sans un frisson, et dorée par la lune. Le lourd bateau paraît glisser dessus, laissant derrière lui un long sillage bouillonnant, où l'eau battue semble du feu liquide. Le ciel s'étale sur nos têtes, d'un noir bleuâtre, ensemencé d'astres que voile par instant l'énorme panache de fumée, vomi par la cheminée, et le petit fanal en haut du mât a l'air d'une grosse étoile se promenant parmi les autres. On n'entend rien que le ronflement de l'hélice dans les profondeurs du navire. Quelles sont charmantes les heures tranquilles du soir sur le pont d'un bâtiment qui fuit. Toute la journée du lendemain, on pense étendu sous la tente avec l'océan de tous les côtés. Puis la nuit revient et le jour reparaît. On a dormi dans l'étroite cabine sur la couchette en forme de cercueil. Debout, il est 4 heures du matin. Quel réveil ! Une longue côte et là-bas en face, une tache blanche qui grandit, Alger.